Une surprise de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Une surprise à Edmond Abou. Le roi disait à son ministre : Certes, je ne suis pas un cuistre. Je ne ressemble en rien au roi, ni d'aujourd'hui, ni d'autrefois. Je veux connaître par moi-même les souhaits d'un peuple que j'aime, et j'irai visiter demain mon régiment de Saint-Germain. » Le ministre répondit : Sire, ce que vous voulez, je désire. On sait que votre majesté estime la sincérité. Et si nous partions tout de suite ? Dit le roi. Bravo ! Vite, vite ! Dans le plus strict incognito, tous deux quittèrent le château. Comme nous allons les surprendre ! Disait le moderne Alexandre. Clitus répondit. En effet, ils seront surpris tout à fait. Ils arrivèrent à l'aurore dans la ville dormante encore. Mais le trompette et le tambour n'avaient pas attendu le jour. La garnison, non prévenue, se trouvait en grande tenue. Elle criait « Vive le roi !»« Il devine donc que c'est moi ?» dit le roi pris d'inquiétude. « Non, sire, c'est leur habitude. Ils disent cela constamment pour témoigner leur dévouement. » La musique non prévenue jouait une marche connue d'un rythme lourd et solennel. Bien mieux encore, le colonel, qui n'était pas fort sur la langue, fit une fort belle harangue. Le roi dit « Peste, quel discours !»« C'est comme cela, tous les jours. » Le roi voulut au réfectoire voir ses soldats manger et boire. Même il se montra désireux de boire et manger avec eux. On lui servit, comme à la troupe, bon pain, bon vin et bonne soupe. « Parbleu !» daignait dire le roi. « Je ne dîne pas mieux chez moi. Si l'on fait toujours cette chair, ma garnison n'est pas trop chère. » Le bon ministre roucoula. « C'est tous les jours comme cela. » Après sa bouteille vidée, le roi cria. « J'ai mon idée. Je ne suis jamais autant qu'eux, satisfait de mon maître que, sur une table bien servie, on me fait faire maigre vie. Je veux avoir décidément le cuisinier du régiment. » Le ministre essaya de rire et finement répondit « Sire, il faut que votre majesté garde un peu plus de dignité. » « Non, non, dit le roi, je l'ordonne, et bien mieux, je vais en personne. » Et qui pourrait m'en empêcher? Je vais moi-même le chercher. Le ministre devient plus blême qu'un moine à la fin du carême. Il dit quelques mots maladroits, en vain. Les enfants et les rois qui pensent avoir une idée en ont la tête possédée. Bientôt il vit avec effroi l'enfant, c'est-à-dire le roi, courir vers la salle voisine où s'élaborait la cuisine. Aussitôt, tous les marmitons se rangèrent par peloton pour laisser passer le monarque. Une singulière remarque vint à l'esprit de celui-ci. « Les têtes que je vois ici me paraissent toutes pourvues de faces que j'ai déjà vues. C'est vous, carême, et vous, Vatel, mon chef et mon maître d'hôtel. Ici, que venez-vous donc faire ?»« Sire, notre office ordinaire !» « Ce que mange sa majesté, par nos mains, doit être apprêté. »« Bon, je commence à vous entendre, et nous qui pensions les surprendre. » Le ministre semblait contrit. Mais tous les rois ont de l'esprit. « Allons, monsieur, c'est à merveille, vous prévoyez tout dès la veille. Mais quand vous vous moquez du roi, en bon sujet, prévenez-moi. » Fin de La Surprise, enregistré par Ulrike Denis.